pardonne-moi. Les étés trop chauds. Pardonne-moi. Les hivers et la neige. Pardonne-moi. Les larmes retenues. Pardonne-moi. Le fou rire. S'achève sans brillance ni panache dans le bouillon de la lave. Quand tu rentreras, y aura des mots épinglés, un peu d'amour. L'écho de tes sanglots. De la diligence. Pardonne-moi. Les cuisses mercantiles. Pardonne-moi. Les baisers époumonés. Les corallines dansantes, sensuelles et narquoises, dans l'eau turquoise. Quand tu rentreras, y aura des mots épinglés. Un peu d'amour éparpillé, l'écho de tes sanglots. Les trésors enterrés. La jeunesse dévoyée. Pardonne-moi. Le givre sur mes lèvres. Pardonne-moi. Les écrins dépouillés. Tes mordantes ivresses, l'obédience silencieuse, les azurs sur ma peau. Quand tu rentreras, y aura des mots épinglés. Un peu d'amour éparpillé, l'écho de tes sanglots.